بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. حياكم الله أيها الأحبة. On se retrouve dans cette soirée du samedi 26 شعبان de l'année 1444 de l'Hégire, correspondant au 18 mars 2023, nous nous retrouvons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala afin de poursuivre ensemble l'étude de cet épître extrêmement bénéfique de Cheikh l'Islam Mohammed ibn Abdel Wahhab qui s'intitule Fadlul Islam, le mérite de l'Islam. Donc, dans le cours précédent, on a parlé de l'obligation de l'Islam. L'obligation de l'islam, il restait un paragraphe à lire. On va le lire avant d'entamer, incha'Allah ta'ala, le chapitre suivant, dans lequel l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab a rapporté la parole de Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, dans laquelle il dit « قوله سنة جاهلية » يندرج فيها كل جاهلية مطلقة أو مقيدة أي في شخص دون شخص كتابية أو وثنية أو غيرهما من كل مخالفة لما جاء به المرسلون. Car on a vu dans le hadith, hadith Ibn Abbas رضي الله عنهما, celui, il a cité les trois catégories de personnes les plus détestées par Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les muslimines, bien évidemment. On parle des muslimines. Celui qui commet une transgression dans al-haram, la terre sacrée d'Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit Mecca ou Médine, et celui qui suit la méthode de l'jahiliya et les coutumes de la période anti-islamique. Et le troisième, celui qui demande le sang d'un musulman pour le couler, yani pour le tuer, sans raison valable. Sans raison valable. Donc, il a fait allusion à ces trois crimes extrêmement dangereux. La transgression et les péchés d'une manière générale dans la terre sacrée d'Allah subhanahu wa ta'ala, et celui qui suit al-jahiliya. Ici, Ibn Taymiyyah rahimahullah, il a expliqué ce que ça veut dire al-jahiliya, que rentre dans les coutumes et la méthode de la période anti-islamique, rentre dedans al-jahiliya d'une manière absolue, ou dans une personne. Elle peut être dans une société, dans une personne, dans un groupe d'individus, ils ont des pratiques anti-islamiques. Mais faut savoir, mes frères, comme les savants le précisent, que al-jahiliya, d'une manière absolue, qui a dominé la terre, celle-là, elle a disparu avec l'envoi du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Elle ne reviendra jamais jusqu'à la fin des temps, où Allah subhanahu wa ta'ala prendra les âmes des croyants. Il ne restera que les mécréants sur terre. Mais al-jahiliya, elle peut se trouver dans une société, dans une tribu, dans une ville, dans un groupe d'individus, dans une personne. Il peut y avoir en elle des caractéristiques de al-jahiliya, ou être dans le jahiliya complète. Et ça, le jahiliya, c'est tout ce qui est en opposé avec la révélation avec laquelle a été envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Que ce soit des coutumes, des gens du livre, ou des païens, des idolâtres, ou autres. En tout cas, c'est tout ce qui s'oppose à la révélation. Car il n'y a que deux choses. Révélation, qui est la guidée, et autre que la révélation, c'est l'égarement. Ensuite, il a rapporté Hadith Hudhayfa radiallahu anhu, dans lequel, rapporté par l'imam al-Bukhari de Hudhayfa, de sa parole, dans lequel il a dit « Ya ma'ashara al-qurra, istaqimu, faqad sabaqtum sabqan ba'ida, fa'in akhadtum yaminan wa shimala, laqad dalaltum dalalan ba'ida. » Il dit aux hommes de science, al-qurra, si on veut traduire littéralement, c'est les récitateurs de l'Qur'an. Mais ce que désignait ce terme à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, et des compagnons, et des premières générations, d'une manière générale, c'est les hommes de science, ceux qui mémorisent le Coran. Et ceux-là, c'était les savants. Car à leur époque, ils ne faisaient pas comme à notre époque, où tu peux finir le Coran dans sa globalité, tu peux le mémoriser entièrement, et tu es un ignorant. Ça existe. Ça a commencé à exister après ces générations-là. Et encore plus dans notre époque. Tu trouves une personne, il connaît le Coran, de l'Fatiha jusqu'à Nas, il ne fait pas une seule erreur. Il est sur une aqida pire que l'aqida de Abu Jahl. Tu trouves des gens qui mémorisent le Coran et qui mendient avec le Coran. Qui récitent le Coran dans les cimetières. Et ainsi de suite. Alors qu'à leur époque, ils mémorisaient dix versets, ils apprenaient la science qu'il y a dans ces dix versets, ils les mettaient en pratique avant de passer à dix versets suivants. C'est pour ça que celui qui mémorisait le Baqara et Ali Imran parmi eux, c'était un savant. Car ces deux sourates contiennent la plupart des règles de l'islam. Donc c'est pour ça qu'il s'adresse à eux, il leur dit « Soyez droits. Car si vous le faisiez, et si vous êtes dans la droiture, vous allez devancer tout le monde. Par contre, si vous prenez à droite et à gauche, c'est-à-dire vous déviez de la droiture, alors vous serez dans un égarement lointain. Et le dernier athar qu'il a rapporté selon Muhammad ibn Waddah, qu'il entrait dans un masjid, dans une mosquée, et il se mettait devant les cercles de science, il disait ce athar, Hudhayfa radiallahu anhu. Il entrait dans la mosquée et il allait devant les cercles de science, il leur faisait ce rappel d'être dans la droiture et de mettre en pratique ce que vous apprenez et d'être des exemples et des modèles. Car si les hommes de science dévient, alors les autres seront plus à même d'être dans la déviance, car les gens suivent leurs savants. Et il a rapporté aussi de Abdullah ibn Mas'ud, le grand compagnon, radiallahu anhu, il a dit, « Laysa amun illa walladhi ba'dahu sharrun minh » Il n'y a pas une année qui vient sans que celle qui la suit soit pire, soit plus mauvaise. Et après, il a expliqué ce que c'est ce mal qui ne fait que s'amplifier année après année. Pas comme les gens peuvent penser. C'est pour ça qu'il a levé toutes ces ambiguïtés. Il a montré ce qui est voulu par le mal qui augmente au fur des années et qui ne cesse d'augmenter jusqu'à la fin des temps. Il a dit, je ne dis pas une année dans laquelle il y a plus de pluie qu'une autre, ou une année dans laquelle il y a plus de récolte qu'une autre, ou une année dans laquelle il y a un gouverneur meilleur qu'un autre, mais c'est la disparition de vos savants et des meilleurs parmi vous. Et ensuite, il apparaîtra des gens qui font des paraboles et des analogies selon leurs avis. Ils vont juger dans les affaires selon l'avis. C'est-à-dire, ils ne reviennent pas au texte. Ils ne reviennent pas au livre d'Allah et la sunna de son prophète, alayhi salatu wassalam. Mais, ils vont juger les choses avec les avis. Comme al-mutakallimun. Ce qu'on appelle al-mutakallimun qui basent leur religion sur ce qu'ils appellent la raison. La raison en plus corrompue, loin des textes. Et après, pour eux, ces choses-là basées sur leur raison, c'est ce qui est rationnel et c'est ce qui est logique. Et si jamais il y a un texte qui s'oppose à leur raison, alors c'est le texte qui est à rejeter ou à interpréter d'une manière à ce qu'il soit en accord avec leur raison. Donc quand ces gens-là vont apparaître, qui n'existaient pas au début de l'islam, on suivait la trace, on suivait l'athar, alors l'islam sera démoli et détruit petit à petit. Wallah al-musta'an. Dans le chapitre suivant, il a dit « Bab tafsir al-islam » chapitre de l'explication de l'islam. Après avoir montré quelques mérites de l'islam, il a montré son obligation, car le fait de parler de ses mérites, ça ne veut pas dire que c'est laissé au choix de la personne d'entrer dans l'islam ou pas. C'est une obligation pour celui qui veut s'en sauver. Et ensuite, il a expliqué ce que c'est cet islam dans lequel tu dois entrer obligatoirement. Il a rapporté la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَإِنْ حَاجُّكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ. Dans le sens approximatif, s'ils te disputent de cela, dis-leur, je m'en suis remis à Allah avec ceux qui m'ont suivi. Donc l'islam, c'est que tu te remettes à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça le vrai islam. Le vrai islam, c'est la soumission complète et absolue à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce verset, comme il dit l'imam Sa'di dans son tafsir, c'est quand le prophète, alayhi salatu wassalam, a appelé les gens du livre à la vraie religion qui est l'islam, et quand il a établi les preuves sur eux, ils se sont orgueillis et ils ont refusé la vérité. Allah subhanahu wa ta'ala par la suite lui a ordonné de leur dire فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ, de leur dire qu'il s'est remis à Allah et qu'il s'est soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Dans son apparence comme dans son intérieur. Et que ceux qui le suivent parmi les croyants sont ainsi dans la soumission complète et absolue à Allah subhanahu wa ta'ala. Et de dire ça, il lui a ordonné de dire ça aux gens, parmi les gens du livre ou les analphabètes, les arabes qui n'avaient pas reçu de révélation avant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'on les appelle les analphabètes, al-ummiyoun, car ils n'ont jamais reçu de livre, ni de messager, ni de prophète avant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc si vous vous soumettez et vous vous remettez à Allah subhanahu wa ta'ala, alors vous serez dans la voie droite et dans la guidée et dans la vérité. Et si vous vous en détournez, votre jugement n'incombe qu'à Allah subhanahu wa ta'ala, car le rôle du messager se limite à la transmission de ce que Allah lui a révélé et d'établir la preuve sur les gens. Ensuite, il a rapporté hadith Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu qui est dans les deux authentiques. L'imam al-Bukhari l'a rapporté dans le chapitre, dans le livre de la foi. Et l'imam al-Bukhari l'a rapporté yani à plusieurs endroits de son authentique. dans lequel le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqima as-salah wa tu'ti az-zakah wa tasuma Ramadan wa tahujja al-bayta in istata'ta ilayhi sabila. Donc le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit l'islam c'est que tu témoignes et que t'attestes qu'il n'y a de vraie divinité hormis Allah, que la seule vraie divinité, que la seule divinité qui mérite l'adoration, c'est Allah, et que Muhammad est le messager d'Allah, et d'accomplir la salat, et d'acquitter la zakat, et de jeûner Ramadan, et de se rendre à la maison sacrée en pèlerinage pour ceux qui ont les moyens. Donc il a cité les cinq piliers, ce que les savants appellent les cinq piliers de l'islam. Donc, le fait de les appeler les cinq piliers de l'islam, ça ne vient pas du prophète, alayhi salatu wassalam. C'est une terminologie des fuqaha et des hommes de science pour montrer l'importance de ces piliers. Lakin, ce n'est pas dans le sens pilier comme le pilier de la salat ou les piliers des ablutions ou ses obligations. C'est pas la même terminologie. Ici, c'est pilier dans le sens, il est très très important. C'est un fondement important dans l'islam. C'est pour ça, pas toute personne qui a délaissé un de ces piliers, tous, est sorti forcément de l'islam. Ça, c'est valable pour l'attestation de foi. Et pour salat, pour la plupart des savants, mais il y a des divergences. Pour le reste. Il y a des divergences pour le reste. En tout cas, ce hadith authentique dans lequel le Nabi ﷺ nous a montré ce que c'est l'islam. Et là, ce que je veux vous citer, c'est tiré de l'explication de Cheikh Nathaymin dans Riyad Salihin, quand il a expliqué ce hadith. Donc, le premier pilier qui est cité dans ce hadith, c'est l'attestation de foi. Que tu attestes avec ta langue en prononçant et que tu acceptes avec ton cœur qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que le seul qui mérite l'adoration, c'est Allah. Et avec cette attestation de foi, ont été envoyés tous les prophètes et messagers, sans exception, depuis Adam alayhi salam jusqu'au dernier d'entre eux, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et cette parole, cette attestation de foi, celui qui comprend son sens et qui y croit et qui la met en pratique, elle sera une cause de sa sauver devant Allah subhanahu wa ta'ala. Forcément. Après la sauver, c'est dans tous les cas une sauvée de l'éternité en enfer. Car il n'y a pas de muwahhid qui sera éternisé en enfer. Mais c'est pas une garantie d'être sauvé du châtiment. Car le serviteur, il peut commettre des choses qui lui valent un châtiment, une purification. Que ce soit dans ce bas monde, avec les catastrophes et les épreuves, ou dans la tombe, avec le châtiment de la tombe, ou après la résurrection, ou avec le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, il lui pardonne ses péchés, sinon c'est le feu de l'enfer. Wal'iyadu billah. Mais jamais un croyant ne s'éternise en enfer. Mais sachez qu'il y a des croyants qui peuvent rester des muwahhidin, qui peuvent rester l'équivalent de dunya en enfer. Deux fois dunya, et ainsi de suite. Donc, ne pensez pas que le fait d'avoir concrétisé Tawhid, c'est suffisant. Na'am. C'est une ni'ma immense d'être sauvé de l'éternité en enfer. Lakin, pour avoir la garantie d'être sauvé, faut s'accrocher à cette religion dans sa globalité. Et c'est ça la cause. Après ce qui te sauve, c'est la miséricorde d'Allah. Lakin, les causes d'obtenir cette miséricorde, c'est l'obéissance et l'éloignement des péchés. Fais tout le bien qui t'est possible. Même donner une date à une personne dans le besoin. Même dire une belle parole à une personne. Offrir un petit livre. Fais tout le bien que tu puisses faire. Ne néglige rien. Car tu ne sais pas par quelle bonne action tu seras sauvé devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et ne minimise aucun péché. Même une parole blessante à ton frère ou à ton épouse ou à un de tes parents. Car tu ne sais pas par quel péché tu peux périr en enfer. Celui qui dit cette parole avec ces conditions, ça sera une cause de sa sauver devant Allah subhanahu wa ta'ala, comme le prophète alayhi salatu wa salam a dit: Man kana akhiru kalamihi min ad-dunya la ilaha illa Allah dakhala al-jannah. Celui dont la dernière parole de ce bas monde est la parole la ilaha illa Allah entrera au paradis. Et pas toute personne qui arrive à dire cette parole vers la fin de sa vie. Ça, c'est le fruit de ta vie. Et en général, il n'arrive à dire cette parole, bien évidemment, après le bienfait d'Allah et sa grâce et sa miséricorde, il n'arrive à la dire à ce moment-là que celui qui a passé sa vie dans Tawhid, dans l'apprentissage et la mise en pratique de Tawhid et l'appel au Tawhid et l'amour du Tawhid. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de ne pas nous abandonner dans ces moments difficiles. Vous imaginez, on arrive à obéir à Shaitan en ayant toutes nos forces, en étant en plein forme, en bonne santé, et on obéit à Shaitan. Que dire à ce moment-là où tu seras dépourvu de toutes tes forces, au point où tu n'arrives même pas à crier à cause de la douleur que tu subis au moment où on arrache l'âme du corps. Si quelqu'un te poignarde ou la te frappe avec un couteau, tu cries à cause de la douleur. Mais là, la personne n'arrive même pas à crier. Tellement elle a plus de force. Et à ce moment-là, Shaitan, il vient avec son armée. Il leur dit, si vous le loupez aujourd'hui, vous pouvez plus jamais l'avoir. C'est votre dernière chance. Et vous connaissez tous que Shaitan, il n'a pas désespéré des grands imams. Il a essayé de les tenter à ce moment-là, comme l'imam Ahmad et autres. Mais c'est Allah qui raffermit le croyant. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala le raffermissement dans le dunya sur la vérité et au moment où l'âme quitte le corps, et le raffermissement dans l'interrogatoire de la tombe. Amin. Ensuite, wa anna Muhammad ar-Rasulullah. T'atteste que Muhammad Ibn Abdillah, al-Hashimi, al-Qurashi, al-Arabi, et le messager d'Allah, Muhammad, fils de Abdullah, qui est de Bani Hashim, qui est de Quraysh, qui est des Arabes. Il est le messager d'Allah. Et il n'a pas cité autre messager dans l'attestation de foi, car sa législation a abrogé toutes les législations précédentes. Et la foi aux autres messagers et dans sa religion. Mais par contre, toutes les législations ont été abrogées et sont devenues caduques avec l'envoi du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que la religion des juifs aujourd'hui, elle est caduque. Et la religion des chrétiens, elle est caduque et elle n'est pas acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah azza wa jalla dit, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Celui qui recherche autre religion que l'islam, ça ne sera pas accepté de lui. Il sera dans l'autre monde parmi les perdants. C'est pour ça ceux qui prétendent aujourd'hui être parmi les chrétiens, les suiveurs de Isa, de Jésus, fils de Marie, c'est des menteurs. Et Jésus, il se désavouera d'eux. Et quand il descendra sur terre, car aujourd'hui il est dans le ciel, quand il descendra sur terre, il n'a pas été crucifié. Comme Allah nous le dit dans le Coran, Allah l'a élevé. Quand il descendra vers la fin des temps, et sa descente, c'est parmi les grands signes de la fin des temps. Il n'acceptera de personne que l'islam. Et il va casser la croix et tuer tous les porcs. Et il va annuler le tribut de capitation, ce qu'on appelle jizya. Le jizya, c'est cette somme que le gouverneur musulman prend des gens du livre, de ceux de qui on prend cette somme d'une manière annuelle, selon chacun selon sa capacité, selon ses moyens, il la prend d'eux, ce tribut de capitation, contre leur sécurité et qui continue à vivre dans les pays de l'islam, tout en étant en sécurité par rapport à leur personne, par rapport à leurs biens, à la condition de se conformer à la religion de l'islam, à la législation de l'islam et de la respecter dans l'apparence. Après, quand ils sont chez eux, ils font ce qu'ils veulent. Mais ils n'ont pas le droit de boire l'alcool ou de faire des choses qui sont interdites pour les musulmans en public. Contre cela, ils doivent payer ce tribut de capitation. Bien évidemment, le vieux, parmi eux, la personne âgée, le pauvre, celui qui n'a pas les moyens, il ne donne pas, c'est les musulmans qui vont lui donner. Le but, c'est pas de prendre de l'argent. C'est pour ça, dès qu'il entre dans l'islam, c'est annulé automatiquement. Et même quand il est encore sur sa religion, et s'il est dans le besoin, c'est les musulmans qui lui donnent de la trésorerie des musulmans. Donc le but, c'est de permettre aux musulmans de propager l'islam, à ceux qui le veulent. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah pour tous les hommes et les djinns, sans exception. Comme il a dit alayhi salatu wassalam, والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Donc il a juré par Allah qu'il n'y a pas un juif ou un chrétien qui entend parler de lui, de sa religion, et qui ne le suit pas sans qu'il soit parmi les gens de l'enfer. Donc tous les juifs, tous les chrétiens, ils doivent entrer dans l'islam, dans la soumission à Allah, et croire à son prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sinon c'est des mécréants. Et ça, c'est quelque chose que Certains ignorent, pour ne pas dire beaucoup de musulmans l'ignorent. Certes, les gens du livre, ils ont un statut particulier en islam. On a le droit de manger leur viande, qui ont été sacrifiées, et d'autres règles, mais ça ne veut pas dire que c'est des croyants. C'est des mécréants, c'est des kuffars. Lakin, ils ont un statut particulier dans l'islam. Car en général, ils sont proches de l'islam, surtout les chrétiens, quand ils apprennent la vraie religion de l'islam, yani, beaucoup d'entre eux entrent dans l'islam. C'est pour ça, ces deux attestations de foi, Ashhadu an la ilaha illallah wa Ashhadu anna Muhammad al-Rasulullah, elles réunissent ces deux attestations, c'est les deux conditions d'acceptation de toute adoration. La sincérité et le suivi du prophète, alayhi salatu wassalam. C'est pour ça, on les considère comme un seul pilier, le premier pilier de l'islam. Car c'est avec ces deux conditions que l'adoration est valide. C'est pour ça, celui qui tombe dans le shirk, il a une lacune dans la première attestation de foi. Et celui qui adore Allah avec les innovations, les hérésies, il a une lacune dans la deuxième attestation de foi. Donc, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est le dernier des prophètes. Le sceau des prophètes qui a été envoyé à toute l'humanité, les hommes et les djinns, sans exception. Il n'y a pas de prophète après lui. Et celui qui prétend qu'il est prophète après Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est un mécréant, et c'est un menteur, et c'est un imposteur. Et celui qui le croit dans cela, c'est un mécréant également. Car c'est quelque chose où personne n'est excusé d'ignorer de l'islam. Donc cette attestation de foi que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah, ça consiste à ce que tu le suives dans sa législation, dans sa tradition, et que tu n'inventes rien dans sa religion. Car l'innovation, en réalité, l'innovation, c'est un dénigrement du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. L'innovateur, c'est comme s'il dit, par son acte inventé, c'est comme s'il dit que l'islam n'est pas complet et que la législation n'est pas complète. C'est lui qui va la compléter. Comme j'ai entendu un égaré qui disait que si on n'arrive pas à réfuter les athées ou le Mu'tazila ou le Jahmiya avec le Coran et la Sunna, on peut avoir recours à ilm al-kalam. Mais si on n'en a pas besoin, on n'aura pas recours à ilm al-kalam. Ça implique que le Coran et la Sunna ne sont pas suffisants pour réfuter les athées et tous les égarés. Et ça, s'il comprenait ce qui sortait de sa bouche, peut-être qu'il ne l'aurait pas dit. Car ça comporte de la mécréance si le Coran n'est pas suffisant. Et la Sunna n'est pas suffisante. Et que ce que tu as pris des philosophes grecs est suffisant. Est-ce qu'il y a un égarement plus grave que celui-là ? Wal'iyadhu billah. Et aussi, le bid'a comporte un démenti du prophète, alayhi salatu wassalam, et un démenti d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Allah dit, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. J'ai mené pour vous votre religion à son point d'accomplissement. La religion, Allah, il dit, la religion, elle est complète. Mais lui, il dit, non, on va rajouter cette bid'a. C'est bien. C'est un bien. Voyez tout ce que ça comporte, une bid'a, c'est pour ça elle est plus grave, elle est plus dangereuse que les grands péchés. Le deuxième pilier, qui est cité dans ce hadith, c'est l'accomplissement de la salat. As-salat, elle s'appelle salat, car c'est un lien entre le serviteur et son créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Quand le serviteur, il se lève pour l'accomplissement de la salat, il parle à Allah. Il parle à Allah. Comme c'est rapporté dans le hadith Abi Huraira, le prophète alayhi salatu wassalam a rapporté d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le hadith al-Qudusi, il dit « Qasamtu salat bayni wa bayna abdi nisfayni » Donc la salat, le fatiha, est répartie en deux parties entre le serviteur et son créateur. Quand le serviteur il dit, Allah il dit. Quand le serviteur il dit, Allah il dit. Et ainsi de suite. Donc salat, c'est un lien entre le serviteur et son créateur. Et parmi les choses qui nous montrent l'importance de la salat dans l'islam et son mérite comparé à toutes les autres adorations de l'islam. Nous avons Tawhid et ensuite la salat. Parmi ces choses-là, premièrement, c'est que salat n'a pas été prescrite comme le jeûne et le pèlerinage. Mais ça a été, elle a été prescrite directement d'Allah subhanahu wa ta'ala à son noble messager, sans l'intermédiaire de Jibril alayhi salam. Et ça, c'est une particularité de la salat. Aussi, l'endroit où elle a été prescrite, tout a été prescrit sur terre. Jibril alayhi salam descendait sur terre avec la révélation sur le prophète alayhi salatu wassalam. As-salat a été prescrite dans le ciel. Dans le ciel. Et non pas sur terre comme les autres législations de l'islam. Nabi alayhi salam, dans la nuit du voyage nocturne et de l'ascension vers les cieux, c'est là où elle a été prescrite. Et elle a été prescrite aussi dans ce moment qui est le moment le plus noble que le prophète alayhi salatu wassalam a connu dans sa vie. La nuit de l'ascension, dans laquelle il est monté au-dessus des sept cieux, jusqu'à arriver à Sidratul Muntaha, jusqu'à arriver à un endroit où aucune autre créature avant lui n'est déjà arrivée à cet endroit-là. Alayhi salatu wassalam. Où il a parlé à Allah subhanahu wa ta'ala sans intermédiaire, mais il ne l'a pas vu. Car personne ne verra Allah qu'après la mort et la résurrection. Aussi, parmi ce qui montre le grand mérite de la salat, c'est qu'elle n'a pas été prescrite une seule salat, mais elle a été prescrite 50 salats. Et ça démontre qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime énormément cette adoration. On acquitte zakat une seule fois dans l'année. On jeûne un seul mois dans l'année. On fait le pèlerinage une seule fois dans la vie. Lakin salat 50 fois par jour. Ça démontre à quel point Allah aime cette adoration. Et que Allah subhanahu wa ta'ala aime que son serviteur soit toujours en lien avec lui, à travers as-salat. Mais par miséricorde à cette communauté, Allah subhanahu wa ta'ala n'a cessé de l'alléger, jusqu'à ce qu'elle a été allégée, à 5 salawat uniquement, sur 24 heures, on a 5 salawat seulement. Fil yawmi wal layla. Elle a été allégée à 5 dans l'accomplissement et c'est resté 50 dans la rétribution et dans la récompense. Et c'est pas comme les autres adorations où la bonne action est récompensé par 10. Non, c'est pas ça. Sinon, salat n'aura pas de particularité par rapport aux autres adorations. Non, ça c'est 50 fois, quand tu fais 5 salawats, Allah il te donne la récompense comme si tu avais fait 50 salats, sans compter cette multiplication, une bonne action par 10. C'est comme si on a accompli 50 salats. Allahu Akbar. Tout ça démontre l'importance de la salat. C'est pour ça, ne délaisse jamais ta salat. Quoi qu'il arrive, tu bois l'alcool, tu fumes, tu... Yani, je peux te citer tout ce que tu veux, mais n'abandonne jamais salat. Ne coupe jamais ce lien entre toi et ton créateur. Et Shaitan, ce qu'il veut de toi, c'est que tu délaisses la salat. Afin de couper le lien entre toi et ton créateur. Mais tant que tu fais salat, parce qu'il sait lui, tant que tu fais la salat, un jour ou un autre, tu vas revenir à Allah. Et tu vas te réconcilier avec Allah. Et tu vas te repentir à Allah. Mais comme il voit en toi du bien, il te dit, t'as pas honte, tu viens de faire ça et ça et ça. Et là, comme un hypocrite, tu rentres dans le masjid pour faire salat avec les croyants purs. Ça, c'est une ruse. Attention. Continue à faire salat, quoi qu'il arrive. Tu délaisses salat, t'as délaissé ta religion. Donc j'ai dit, nous faisons 5 salawat et nous sommes récompensés comme celui qui a fait 50 salat. Et à Allah subhanahu wa ta'ala correspond la perfection la plus haute. Walillahi al-mathalul a'la. Mais imagine si quelqu'un parmi les gens il devait rencontrer un roi ou un homme extrêmement important pour lui 5 fois par jour. Alors, imagine sa joie. Imagine sa réjouissance. Imagine le mérite qu'il aura auprès des gens. Que dire de toi qui parle au roi des rois, Allah subhanahu wa ta'ala, 5 fois par jour et nuit. Pourquoi tu ne te réjouis pas de cela? Pourquoi tu ne comptes pas ça parmi tes mérites qu'Allah t'a permis cela? Donc c'est une ni'ma immense de pouvoir faire salat et de parler à Allah subhanahu wa ta'ala directement sans intermédiaire et de lui demander tout ce que tu veux. C'est une très très grande ni'ma pour le croyant quand il comprend ces sens-là. Et quand il dit, alayhi salatu wassalam, l'accomplissement de la salat, cela veut dire la faire avec ses conditions, ses piliers et ses obligations. Donc, faire salat, c'est pas accomplir la salat. Faire salat, même s'il y a un manque dans la salat, mais l'accomplissement, c'est de la faire de la meilleure des façons. Comme Allah aime. Ensuite, il a dit, wa ita'u zakat, d'acquitter la zakat, c'est-à-dire de la donner. Et zakat, en langue arabe, elle est tirée de la purification et l'augmentation. Et ces deux sens-là sont valables pour la zakat. La zakat, c'est une purification de tes biens. Elle purifie tes biens. Et elle purifie ton âme de l'avarice et de l'attachement aux biens éphémères de ce bas monde. Zakat, c'est une cause d'augmentation de tes biens et de ta foi aussi. C'est parmi les 5 piliers de l'islam. Et elle est obligatoire dans certains biens, sous certaines conditions. Elle n'est pas obligatoire pour tous les musulmans. Et elle se donne à 8 catégories seulement qu'Allah subhanahu wa ta'ala a désignées dans son livre. Le quatrième pilier, Saum Ramadan, jeûner le mois de Ramadan. Ramadan, c'est le mois qui se trouve entre le mois de Sha'ban et le mois de Shawwal. Et pourquoi il a été appelé Ramadan? Il y en a qui ont dit, car quand il a été légiféré pour la première fois, il a été légiféré dans une période où il faisait extrêmement chaud, un temps chaud. Donc il a été appelé Ramadan de Ar-Ramda, le temps chaud. D'autres ont dit, il a été appelé Ramadan parce qu'il éteint la chaleur des péchés. Il permet d'éteindre la chaleur et le feu des péchés. Car les péchés sont brûlants. On ne le sent pas. Mais celui qui a un cœur vivant, pour lui, le mal et la douleur du péché, elle est plus forte que quand il est poignardé dans sa main. Quand il est blessé dans sa main. Et c'est le seul mois qui a été nommé dans le Coran, qui a été cité avec son nom. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Nabi Isa sallallahu alayhi wa sallam dit: Man sama Ramadan imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Celui qui jeûne le mois de Ramadan avec foi et attente de la récompense, il lui sera pardonné tous ses péchés antérieurs. C'est-à-dire celui qui a une croyance authentique et qui croit que Ramadan est prescrit par Allah, est une obligation religieuse, et il le jeûne et il patiente en espérant la récompense d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonnera tous ses péchés passés. Tous ses péchés passés. Bien évidemment, c'est les petits péchés qui sont visés ici. Les grands péchés nécessitent un repentir. Ramadan, c'est son jeûne, c'est une obligation pour tout musulman, pubère, qui a sa raison, capable de le jeûner en étant résident, sans avoir d'empêchement. C'est pour ça, celui qui n'a pas encore atteint la puberté, il ne doit pas jeûner Ramadan, mais c'est recommandé d'entraîner les enfants, selon leur capacité, à jeûner. De les habituer petit à petit. Le fou, celui qui n'a pas sa raison, il ne doit pas jeûner non plus. Le kafir ne doit pas jeûner non plus. Le fait de dire il ne doit pas jeûner, ça veut dire que le jeûne n'est pas accepté de lui. Et aucune adoration n'est acceptée de lui. Qu'après l'islam. Mais il sera châtié pour ne pas avoir jeûné. Et celui qui est incapable de jeûner, qui a un empêchement, il est de deux catégories. Celui qui a un empêchement permanent, comme la vieillesse ou une maladie que les médecins estiment incurable, le diabète et autres, celui-là, il nourrit pour chaque jour un pauvre. Et celui qui a un empêchement temporaire, comme les maladies dont les médecins disent que la guérison est espérée, celui-là, il attend la fin de l'empêchement. Comme une femme qui a accouché ou qui a allaité, qui n'a pas pu jeûner, il n'y a pas de mal pour elle, elle attend jusqu'à ce qu'elle puisse jeûner et elle rattrape ses jours. Également, parmi ceux qui ont des empêchements, c'est la femme ayant ses menstrues ou en période d'éluchie. Elle ne peut pas jeûner, mais elle rattrape le jeûne. Elle rattrape le jeûne. Le cinquième pilier, c'est le pèlerinage. حج بيت الله الحرام وأن تحج بيت الله الحرام إن استطعت إليه سبيلا. Donc c'est se rendre à la mosquée, à la maison sacrée, se rendre à la maison sacrée en pèlerinage pour celui ayant les moyens pour accomplir les rituels du pèlerinage. Donc ça c'est une prescription religieuse, c'est une obligation et rentre dedans également Al-Umra, qu'ils appellent le petit pèlerinage. Nabi alayhi salam, il l'a appelé le petit pèlerinage. C'est une obligation aussi, une fois dans la vie. Et celui qui ne peut pas faire le pèlerinage, parce qu'il n'a pas les moyens, alors, c'est plus une obligation pour lui. Et il ne doit pas le faire ni lui, ni quelqu'un le faire à sa place. C'est pas légiféré que, parce que lui, il peut pas le faire, il a pas les moyens. C'est pas légiféré que quelqu'un qui vit à Mecca, par exemple, qu'il le fasse à sa place. Car lui, il est capable de le faire physiquement. Quand est-ce que quelqu'un peut le faire à sa place? C'est quand l'incapacité est physique. Quand l'incapacité est physique. Quelqu'un qui est très très âgé, ou qui est très très malade, une maladie que les médecins estiment incurable, alors celui-là, il peut désigner une personne pour le faire à sa place. Même il doit le faire. Le terme précis, c'est ça. C'est une obligation. Quitte à lui donner l'argent, le payer pour le faire à sa place. S'il a les moyens. S'il n'a pas les moyens, alors c'est plus une obligation pour lui. Et la preuve sur laquelle les savants se basent là-dessus, c'est que cette femme qui a demandé au prophète alayhi salam que son père est entré dans l'islam en étant très âgé et qu'il n'arrive pas à tenir sur une monture. Est-ce que je peux faire le pèlerinage à sa place? Il a dit oui. Il a dit oui. Donc ça, ce sont les cinq piliers de l'islam. Et ensuite, il a rapporté selon Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. المسلم, c'est qui المسلم? Là, on est dans l'explication de l'islam. المسلم, c'est celui dont les muslimines sont préservés de sa langue et de sa main. المسلم, c'est qui? C'est celui dont les muslimines sont préservés de sa main, du mal de sa main et de sa langue. Pourquoi la main et la langue ont été cités dans ce hadith? Al-Munawi, rahimahullah, dans Fouyad al-Qadir, il a dit: car la plupart du mal que les gens font aux autres, c'est avec la main ou la langue. C'est avec la main ou la langue. Et ou bien avec les paroles ou les actes. Et les paroles, c'est avec la langue, et les actes, ça peut se faire avec la main ou autre. Là, la plupart de ce que les gens font comme mal, c'est avec la main, plus que le pied ou autre membre. Voler, frapper, et ainsi de suite. Est-ce que l'islam, c'est seulement ne pas faire de mal aux muslimines avec sa langue et sa main? Non. C'est pas ça qui est voulu dans le hadith. Mais, al-Nabi, alayhi salatu wassalam, a cité dans ce hadith, un point très très important. Comme quand on dit, al-Hajju Arafa. Al-Hajju Arafa. Est-ce que le pèlerinage se limite à Arafa? Non. Mais c'est un pilier important dans le pèlerinage. De la même façon ici. Le muslim, c'est pas seulement celui dont les gens sont préservés du mal de sa langue et sa main. Mais ça, c'est quelque chose d'extrêmement important dans l'islam. et qui montre la bonté de la personne et sa mise en pratique de sa religion. C'est comme si l'islam était limité à cela. Mais en réalité, ce n'est pas ça qui est voulu. Pour montrer l'importance du délaissement du mal et de ne pas faire du mal aux gens avec la langue et la main. Et de ne pas faire du mal d'une manière générale. Car le mal qu'on puisse faire à autrui, c'est ou bien un mal apparent, comme le vol, ou voler ou frapper, ou un mal caché, comme l'enviosité, la jalousie, l'animosité, l'orgueil, penser du mal, la dureté, et ainsi de suite. Et dans ce hadith, l'interdiction de toute catégorie de mal faite aux autres musulmans. Et beaucoup de gens ne respectent pas cela. C'est pour ça que ça a été mentionné. Et dans d'autres hadiths, la plupart des péchés que le serviteur commet, c'est avec sa langue. C'est avec sa langue. Comme hadith Mu'adh radiallahu anhu, Thakilatka ummuk, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, après lui avoir montré beaucoup d'adoration, beaucoup de choses qui rapprochent d'Allah, il lui a dit, veux-tu que je t'indique ce qui te permet d'avoir tout ce que je t'ai cité? Et il a pris sa langue, il a dit, Kuffa alayka hadha. Fais attention à celle-ci, la langue. Al-lisan. Réfléchis avant de parler. Et ne parle qu'en ayant la certitude que c'est un bien. Et si tu doutes, le mieux, c'est d'observer le silence et de ne pas parler. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Que celui qui croit en Allah au jour dernier, qu'il dise du bien. S'il a la certitude que c'est un bien, alors c'est meilleur de parler avec. Sinon, qu'il se taise. Et c'est un bien aussi de se taire, car après cela, c'est parler avec le mal, qui est un mal. Ensuite, il a rapporté hadith Bahz ibn Hakim, selon son père, selon son grand-père. Il a interrogé le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Il lui a dit, au sujet de l'islam, ce que c'est l'islam. Il a dit, أن تسلم قلبك لله. L'islam, c'est que tu soumettes ton cœur à Allah. وأن تولي وجهك إلى الله. Et que tu t'en remets à Allah. وأن تصلي الصلاة المكتوبة. Et que tu accomplisses la salat obligatoire. وتؤدي الزكاة المفروضة. Et que t'acquittes la zakat prescrite, rapportée par l'imam Ahmad, jugé hassan par Sheikh al-Albani, rahimahullah. Donc ça, c'est l'islam. C'est la soumission à Allah, subhanahu wa ta'ala, avec l'unicité. Al-istislamu lillahi bit-tawhid, wal-inqiyadu lahu bit-ta'a. Et que tu te soumets à Allah avec l'obéissance, avec l'unicité, avec l'obéissance. وَالْبَرَاءَةُ مِنَ الشِّرْكِ وَأَهْلِهِ. Et que tu te désavoues de l'associationnisme et des associâtres. L'accomplissement de la salat, l'acquittement de la zakat. Ça, c'est l'islam. Le dernier athar qu'il a rapporté, selon Abi Qilaba, selon un homme parmi les gens de Sham, selon son père, il a interrogé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam au sujet de l'islam. Il lui a dit « An tuslima qalbaka lillah, wa yaslama al-muslimuna min lisanika wa yadik. Qala ayyul islami afdal, qala al-iman, qala wa mal iman, qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa al-ba'thi ba'da al-maut. » Donc ça à peu près dans le même sens que ce qui a précédé. Et Cheikh Al-Albani a cité ce hadith dans As-Silsila As-Sahiha. Donc l'islam, c'est que tu soumets ton cœur à Allah et que les gens soient préservés du mal de ta langue et de ta main. Ça, c'est des choses importantes. C'est pour ça que ça se répète dans beaucoup de textes, de faire attention à ce que tu dis. Et de savoir que chaque mot que tu prononces, il est noté. Et tu devras rendre des comptes par rapport à chaque mot que tu dis. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الله أكبر. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Comme dans sourate Qaf, dans le sens approximatif, il ne profère aucune parole sans qu'un observateur prêt à l'enregistrer ne soit à ses côtés. Chaque chose est notée. Et tu devras répondre par rapport à chaque mot que tu dis. Et il viendra le jour où le regret ne te sera d'aucune utilité. Et aussi le mal que tu puisses faire aux gens avec ta main. Ça, c'est le musulman. Et dans d'autres hadiths, le mu'min, c'est un degré supérieur. Ça, c'est le degré de l'islam. Au minimum, que tu ne fasses pas de mal aux gens. Mais le mu'min, c'est un degré supérieur. C'est que les gens te font confiance par rapport à leurs biens et par rapport à leurs différentes affaires. Là, c'est un minimum. C'est de ne pas faire du mal. Abstiens-toi de faire du mal aux gens. Et ne confondez pas, parce qu'il y a des gens, yani à cause de l'ignorance et des fois à cause de l'hawa, ils pensent que mettre en garde, c'est un mal. Comme ils ont dit à certains salafs. Il lui a dit que ta mère te perde. Moi, je suis meilleur pour ces gens-là, contre lesquels je mets en garde, que leur mère et leur père. Moi, j'empêche les gens de les suivre dans leur égarement et d'avoir encore plus de péchés. Moi, je suis meilleur pour eux que toi qui penses avoir la crainte d'Allah et la piété, et tu ne parles pas d'eux. Là, lakin, la question est de faire cela pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est pas quelque chose de facile. Lakin, celui qui le fait pour Allah, c'est parmi les degrés les plus élevés dans l'islam. Et ne soyez pas intimidés par ceux qui disent les mises en gardistes. Yani, il joue avec les sentiments des gens. Mise en gardiste. La question est de savoir est-ce que cette mise en garde est fondée ou pas. Et malheureusement aussi parce que les gens ne lisent pas dans les livres de salaf. Et ils ne connaissent pas le manhaj salafi non plus. Un salafi qui connaît le manhaj salafi, yani, tu peux lui dire mise en gardiste jusqu'à la fin des temps. Il va chercher à faire cela avec science et pour Allah subhanahu wa ta'ala. Amma ça, comme on a vu précédemment, c'est un devoir religieux pour celui qui en est capable et qui est habilité et qui a les outils. Et qu'est-ce que c'est l'iman? Dans ce hadith, le Nabi, il a dit de croire en Allah ses anges, ses livres, ses messagers et la résurrection après la mort. Nous allons nous arrêter ici, inshallah ta'ala. Pendant ce mois de Ramadan, inshallah, nous allons avoir un programme sur les mérites des compagnons, dans lequel je vais me baser principalement sur le livre d'un grand muhaddith de l'Madina, Cheikh Mohammed Al-A'zami, rahimahullah, Cheikh de Nushuyukh, Salafiyin, qui est décédé, rahimahullah. C'est un livre simple, et Inch'Allah, à travers lequel nous allons voir les mérites des compagnons, radiyallahu anhum, authentiques. Car sa condition dans ce livre, c'est de rapporter que les mérites authentiques selon la méthodologie de l'muhaddithin. Qu'Allah lui fasse miséricorde et qu'Allah nous le facilite et nous accorde à tous la sincérité et la conformité à la sunna dans tout ce que nous disons et nous faisons et nous permettre d'arriver dans ce mois de Ramadan comme Allah aime de nous et nous facilite les adorations et les accepte de nous. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayra. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.